Conte de fées en français. Le pauvre cordonnier. Il était une fois, dans la ville d'Arazar, vivait un pauvre cordonnier du nom de Bram. Bram travaillait toute la journée pour gagner autant d'argent que possible pour soutenir sa famille et avoir un repas décent. Mais il finissait toujours avec très peu en poche. Un jour, alors que Bram réparait de vieilles chaussures, un homme s'approcha de lui. Il était grand et mystérieux. Il portait un chapeau et un imperméable. « Bonjour, mon ami. Je voudrais faire cirer mes chaussures. Mais je n'ai pas d'argent. Et je dois aller dans un endroit très important immédiatement. » Le cordonnier hésita, car il n'avait encore rien gagné de la journée. Mais il accepta d'aider cet homme. « Bien sûr, monsieur. Je vais vous aider. S'il vous plaît, prenez place et mettez votre pied là-dessus. » L'homme s'assit et Bram cira ses chaussures à la perfection pour les rendre aussi brillantes et étincelantes qu'un plan d'eau sous un ciel étoilé. « Voilà, monsieur. »« C'est parfait, mon ami. Crois bien que je te récompenserai généreusement pour ta bonne action. Je suis le magicien qui vit dans la maisonnée à l'orée du bois. » Et je vais rencontrer des sorciers très importants de Sénali. Tu m'as rendu un grand service. Le magicien claqua des doigts. Et dans un nuage de fumée, une chèvre apparut soudain devant le cordonnier. Bram fut surpris. C'est une chèvre magique. Tout ce que tu as à faire, c'est de dire « Chèvre, secoue-toi et apporte la bonne fortune. » Et tu seras béni d'un gros tas de pièces d'or. » En disant cela, le magicien disparut au loin. « Waouh ! Il faut que j'essaye ça tout de suite. Chèvre, secoue-toi et apporte la bonne fortune. » Et la chèvre se secoua, faisant alors tomber au sol un tas de pièces d'or. Le cordonnier fut très surpris. « C'est fou ! Cet homme a vraiment tenu parole. » « Faut que j'aille raconter ça à ma famille immédiatement. » Bram remballa ses outils, mit la chèvre sur ses épaules et avec une grande joie, il rentra à sa maison. Tandis qu'il marchait, il passa devant la maison de sa tante Ingrid près des champs. Elle le vit marcher avec sa chèvre sur les épaules, alors elle l'appela. « Hey, Bram, viens un peu t'asseoir avec ta tante, veux-tu ?» Il réfléchit à lui-même s'il devait ou non aller s'asseoir avec elle, car il voulait vraiment rentrer vite à la maison pour montrer à sa femme la chèvre magique. « Eh bien, j'ai soif et je suis fatigué d'avoir porté cette chèvre sur les épaules. Je devrais peut-être boire une tasse de thé, puis rentrer chez moi. » Bram alla à la maison de sa tante, lui passa la chèvre, et avant d'entrer, il lui dit « Quoi que tu fasses, ne dis surtout pas « Chèvre, secoue-toi et apporte la bonne fortune. » Bram s'assit et attendit que sa tante revint lui servir du thé. Et pendant qu'il attendait, Ingrid se demanda ce qu'il voulait dire quand il lui avait demandé de ne pas prononcer ces mots. Elle alla à la cuisine où se trouvait la chèvre, s'approcha d'elle et prononça les mots magiques. « Chèvre, secoue-toi et apporte la bonne fortune. » Et immédiatement, la chèvre se secoua et des pièces d'or tombèrent au sol. Je pourrais m'en servir pour plein de choses. Il faut que je trouve une idée. Ingrid mélangea des herbes dans le thé et en servit à Bram. La mixture le fit s'endormir en quelques secondes. Dès que le cordonnier fut complètement endormi, Ingrid remplaça sa chèvre par une des siennes. Le lendemain matin, Bram remit la chèvre sur ses épaules et reprit la route vers sa maison. Quand il arriva à la maison, il déposa le sac de pièces d'or devant sa femme. « Tiens, prends ces pièces d'or pour acheter de quoi préparer un bon repas pour nous tous aujourd'hui. » Sa femme se sentit si heureuse qu'elle ne pensa pas à demander d'où venaient ces pièces d'or. Et elle sortit pour aller au marché. Après un moment, il eut envie d'utiliser les mots magiques pour recevoir un peu plus de pièces d'or grâce à la chèvre. Il récita les mots que le magicien lui avait appris, mais la chèvre resta immobile comme un roc. « C'est bizarre. Pourquoi ça ne marche plus ?» Il répéta les mots magiques, mais en vain, car la chèvre ne bougeait pas d'un pouce. « Je vais devoir faire avec les pièces qu'il me reste. Et quand il n'y en aura plus, j'irai retrouver le magicien une fois de plus. » Après quelques jours, sa femme commença à lui dire qu'il faudrait retravailler, car les pièces d'or étaient presque épuisées. Alors, il alla chercher le magicien. Il finit par retrouver la maison du magicien. Il entra et parla au magicien du fait qu'il devait nourrir sa famille. Le magicien était un homme compatissant. Il mit alors sa main sur l'épaule du cordonnier et lui dit « Ne t'inquiète pas, mon ami. Voici un tissu magique. Pose-le sur ton bras et dis « Oh, tissu magique, étends-toi et fabrique un festin. Et une table remplie des meilleurs aliments et boissons s'étalera devant toi. » Bram fut fou de joie en entendant le magicien. Il le remercia et repartit chez lui. Tandis que Bram marchait à travers bois pour rentrer chez lui, il passa par les champs où habitait sa tante et décida d'aller partager un repas avec elle grâce au tissu magique. « Je passais par là, et comme tu as été si gentille la dernière fois de m'offrir le thé, j'ai pensé qu'il serait adéquat de te rendre l'appareil en t'offrant un repas. » « Oh, comme c'est gentil! Entre donc !» Ainsi, Bram entra, posa le tissu sur son bras et dit les mots. « Oh, tissu magique, étends-toi et fabrique un festin !» Et en quelques instants, une belle table apparut devant eux, remplie des plats les plus délicieux et raffinés. Tante Ingrid fut éblouie, et malgré le beau geste que le cordonnier avait eu envers elle, elle décida une nouvelle fois de mélanger des herbes dans sa nourriture. Ils s'assirent et mangèrent jusqu'à plus faim et profitèrent du festin au maximum. Peu après, le cordonnier s'endormit profondément et pendant qu'il dormait, sa tante remplaça le tissu magique avec un tissu normal, trompant son neveu une fois de plus. Le lendemain, Bram rentra à la maison, posa le tissu sur son bras et chanta la formule magique. Cette fois encore, la formule ne fonctionna pas et le cordonnier resta planté au milieu de la pièce, abasourdi. Sa femme le regarda, se demanda si c'était la pauvreté qui l'avait rendu fou et elle s'éloigna. « C'est impossible! Oh, je suis presque sûre que c'est ma tante qui se joue de moi !» Bram se rendit une nouvelle fois chez le magicien. Il expliqua au magicien tout ce qu'il s'était passé et le sollicita pour son aide une fois de plus. Le magicien était toujours aussi compatissant. Il accepta encore et lui dit « Fais comme je te dis, avec cette plume magique. Sur le chemin du retour, rends visite à ta tante et dis-lui que cette plume peut exaucer autant de souhaits qu'un cœur désire. Et dis-lui de chanter cette formule « Ô plume magique, réalise mon souhait !» Et immédiatement après, la plume commencera à la chatouiller sans fin. « Oh !» « Merci, mon bon monsieur. Et souviens-toi, tu ne pourras l'arrêter qu'en 10 ans. Plume magique, mon souhait a été exaucé et le chatouillement s'arrêtera. » Bram remercia le magicien une nouvelle fois et partit pour aller chez sa tante Ingrid. Il alla à sa maison près du champ et lui parla de la plume magique. En un rien de temps, la femme se fit prendre au piège du cordonnier et chanta la formule. « Oh, plume magique, réalise mon souhait !» La plume flotta dans les airs et tout à coup, elle se mit à chatouiller la tante. La tante Ingrid gloussa d'abord, puis rit à n'en plus pouvoir. « Stop, stop! S'il te plaît, stop! Je n'en peux plus! Arrête les chatouilles !»« Je n'arrêterai qu'à une condition. » Tout ce que tu voudras, je te donnerai tout ce que tu voudras. Vas-y. Alors d'accord, s'il te plaît, rends-moi ce qui m'appartient de droit, c'est-à-dire ma chèvre magique et mon tissu magique. Ok, ok, les deux sont dans la cuisine. Alors Bram courut à la cuisine, attrapa le tissu et chargea la chèvre sur ses épaules. Il sortit de la cuisine et dit « Plume magique, mon souhait a été exaucé !» Alors la plume magique tourbillonna autour de lui, le faisant disparaître et le renvoyant par magie jusqu'à sa maison. Il arriva chez lui et montra à sa femme la chèvre magique et le tissu magique. Sa femme fut folle de joie et le prit dans ses bras sans attendre. Plus tard, ils s'assirent autour d'un grand festin pendant lequel ils mangèrent et discutèrent de la meilleure façon d'utiliser la chèvre et le tissu magique. Ils utilisèrent les pièces d'or pour renforcer son entreprise de cordonnerie et ils utilisèrent la plus grande partie des pièces d'or pour aider les pauvres dans leur ville. Quant à sa tante Ingrid, eh bien, la plume continua d'apparaître dans sa maison en venant de nulle part, la forçant à aller aider les pauvres et les gens dans le besoin qu'elle avait autrefois abusé.